sous le kawaii comme dans la saison 1. Et McNulty qui enquête encore. Et comme Marlowe, mon regard est vide. Y'a comme un X, je compte encore. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Plus de balles dans le chargeur. Un peu plus de papier. La haine dans mon hood n'a pas changé. La haine dans mon hood n'a pas changé. Et comme les blocs. Tout ce qui est bleu est étranger. J'suis dans la cabine téléphonique. Crame pas mon blast, toi tu pénaves. J'ai pas confiance en ces schlags. T'en as sur le nez, toi tu fais quoi? Le ramène n'a pas de chrome. Garde le cheeseburger. Le code c'est 187. Je le connais par cœur. Je sors du toit ouvrant. J'ai ligoté ma paire. J'ai laissé parler les cartouches. On m'arrête dans le secteur. Et je contrôle toujours le rentré. Ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barthel. Fais compter la machine à billes. Fais chauffer la cuillère. Je sens comme Barthel. Et je contrôle toujours le rentré. Ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barthel. Fais compter la machine à billes. Fais chauffer la cuillère. Je sens comme Barthel. Je me sens comme Barthel. Je me sens comme Barthel. Je me sens comme Evan, Evan, Evan, Evan Barthel. Je me sens comme Barthel. Je me sens comme Barthel. Je me sens comme Evan, Evan, Evan, Evan Barthel. Les mauvais payeurs se font plomber. Et les junkies qui font des OD. Je faisais de la monnaie quand tu dormais. Quand tu t'es réveillé, tu m'as vu compter. Langage côté belle et cocondé. Langage côté belle et cocondé. Elle est conditionnée, c'est le fané. Je suis déjà dans les flammes comme un pompier. Les petits te tirent dessus. Fais pas le mec tendu. Quand ça te pousse des litres, pourquoi tu réponds plus? Flingue automatique, voiture manuelle. Toujours plus de bénéfices que la veille. Tous les jours, c'est le jour de paye. Tous les jours, c'est le jour de paye. Et je contrôle toujours le rentier, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barthel. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la cuillère. Je sens comme Barthel. Et je contrôle toujours le rentier, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barthel. Fais compter